comme je revenais, revenais de la rivière, avec tant de blessures au fond des yeux. Comme je revenais, revenais de la rivière, j'avais pensé me reposer un peu. Comme je revenais, revenais de la rivière, Sister Jean above my company. Comme je revenais, revenais de la rivière, Sister Jean above my company. Get up off of my way, to get up off of my way, to get up off of my way. To get up off of my way, to get up off of my way, to get up off of my way. Get up off of my way, get up off of my way, get up off of my way.